Romains chapitre 15. Or nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles, et non pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous donc complaise à son prochain pour son bien, pour son édification. Car même Jésus-Christ n'a point voulu complaire à soi-même, mais selon ce qui est écrit de lui, les outrages de ceux qui t'outragent, sont tombés sur moi. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant, ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience, et par la consolation des Écritures nous ayons espérance. Or, le Dieu de patience et de consolation, vous fasse la grâce d'avoir tout un même sentiment selon Jésus-Christ. Afin que tous, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous l'un l'autre, comme aussi Christ nous a reçus à lui, pour la gloire de Dieu. Or je dis que Jésus-Christ a été ministre de la circoncision pour la vérité de Dieu, afin de ratifier les promesses faites au Père, et afin que les gentils honorent Dieu pour sa miséricorde, selon ce qui est écrit, « Je célébrerai à cause de cela ta louange parmi les gentils, et je psalmodierai à ton nom. » Et il est dit encore, « Gentils, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Toute nation, louez le Seigneur, et vous tous, peuple célébrez-le. » Ésaïe a dit aussi, « Il y aura une racine de Jessé, et un rejeton s'élèvera pour gouverner les gentils, et les gentils auront espérance en lui. » Le Dieu d'espérance donc vous veuille remplir de toute joie et de toute paix, en croyant, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Or, mes frères, je suis aussi moi-même persuadé, que vous êtes aussi plein de bonté, rempli de toute connaissance, et que vous pouvez même vous exhorter l'un l'autre. Mais, mes frères, je vous ai écrit en quelque sorte plus librement, comme vous faisant ressouvenir de ces choses, à cause de la grâce qui m'a été donnée de Dieu, afin que je sois ministre de Jésus-Christ envers les gentils, m'employant au sacrifice de l'évangile de Dieu, afin que l'oblation des gentils soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. J'ai donc de quoi me glorifier en Jésus-Christ dans les choses qui regardent Dieu. Car je ne saurais rien dire que Christ, n'est fait par moi pour amener les gentils à l'obéissance par la parole, et par les œuvres, avec la vertu des prodiges et des miracles, par la puissance de l'Esprit de Dieu, tellement que depuis Jérusalem, et les lieux d'alentour, jusque dans l'Illyrie, j'ai tout rempli de l'Évangile de Christ, m'attachant ainsi avec affection à annoncer l'Évangile là où Christ, n'avait pas encore été prêché, afin que je n'édifiasse point sur un fondement qu'un autre eût déjà posé. Mais, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'a point été annoncé, le verront, et ceux qui n'en ont point ouï parler, l'entendront. Et c'est aussi ce qui m'a souvent empêché de vous aller voir. Mais maintenant que je n'ai aucun sujet de m'arrêter en ce pays, et que depuis plusieurs années, j'ai un grand désir d'aller vers vous. J'irai vers vous lorsque je partirai pour aller en Espagne, et j'espère que je vous verrai en passant par votre pays, et que vous me conduirez là, après que j'aurai été premièrement rassasié en partie d'avoir été avec vous. Mais pour le présent, je m'en vais à Jérusalem pour assister les saints. Car il a semblé bon aux Macédoniens et aux Achaïens de faire une contribution pour les pauvres d'entre les saints qui sont à Jérusalem. Il leur a, dis-je, ainsi semblé bon, et aussi leur sont-ils obligés, car si les gentils ont été participants de leurs biens spirituels, ils leur doivent aussi faire part des biens temporels. Après donc que j'aurai achevé cela, et que je leur aurai remis fidèlement ce fruit, j'irai en Espagne, en passant par vos quartiers. Et je sais que quand j'irai vers vous, j'irai avec une abondance de bénédictions de l'Évangile de Christ. Or je vous exhorte, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par la charité de l'Esprit, que vous combattiez avec moi dans vos prières à Dieu pour moi, afin que je sois délivré des rebelles qui sont en Judée, et que mon administration que j'ai à faire à Jérusalem, soit rendue agréable aux saints, afin que j'aille vers vous avec joie, par la volonté de Dieu, et que je me récrée avec vous. Or le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.